nous réveiller. Mais la police est plus qu'un rêve, on la vit sans complexer. Ça se croit d'être comme ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Ça rate, tout se dilate, ça nous brasse. Soyons vrai, tout va bien, c'est notre refrain. Oh, oh, si la folie était qu'un rêve, il faudrait pas nous réveiller. Les étoiles sur la voile de la nuit tombée nous jardent de notre destinée. La nature est la pure qui la liberté. Oh, oh, oh, oh, oh. C'est pas si bête, c'est pas si bête. Dedans ma tête, dedans ma tête. C'est encore plus beau, c'est encore plus beau. Jusqu'au repli de mon nombril. Un petit voyage Dans les opales. Et ça redescend. Avec mon sang. Passe par les pas de ma vigna. C'est dans mon cœur l'esprit du souhait. C'est dans mon cœur